échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Macron, microphone, et Jean-Philippe Boisbriand a fait le choix musical et porte un chapeau aussi, ce qui est assez important. Quand même, aujourd'hui, une émission pas si éclectique. Finalement, on commence par la Turquie. Des groupes qui sont pas tous turcs, mais qui aiment la musique turque. Ensuite, on s'en va voir des trucs comme Ferdinand, Richard, Odyssey and Oracle, des trucs comme ça. Et ensuite, des Monty Python, Didi Super, toutes sortes de choses, et on y va tout de suite. J'avais tort de chercher ailleurs. Sur mon chemin, je n'ai pas trouvé le bonheur. Viens dans ma vie, j'ai envie d'être aimée de toi. Toi, tu seras le seul dans mon cœur. Viens dans ma vie, je t'en prie, j'ai besoin de toi. Toute ma vie. je veux me blottir dans tes bras. J'ai rencontré trop souvent la nuit ou les pleurs, car le plaisir sans l'amour est toujours trompeur. Gitme. We'll be right back. Et c'est pitié. Ouais, mais ça a commencé comme ça, des échangeurs ce soir avec d'abord Cyril, les deux Cyril de Genève, je pense. Ils font sur l'album Certaines Ruines la pièce Colosse de Rhodes. Comment il s'appelle, Cyril Yeterian et Cyril Bondy. Voilà, qui sont probablement de Genève. Ensuite, on est allé voir Ajda Pekkan, qui nous faisait bien dans ma vie, sur Anatolia Rocks 2, Second Musical Trip Through Turkey. On dit que c'est un peu elle, au début de la pop, dans les précurseurs de la pop turque. Altin Gom nous faisait Tatli Dile Gulorius sur l'album On de 2018. Où sont-ils de nos amis Altin Gom? C'est ça, parce que, voilà. Alors, ça a été fondé par un Amsterdamois, Jasper Verhulst. C'est vraiment très, très chouette. Alors, des trucs qui venaient de Bongo Joe. Voilà. Harout Panbukjian nous faisait qui arrive par, entre parenthèses, Yas Dostum, qui nous donne une indication plus précise, sur Bosporus Bridges, volume 3, un truc qui est paru en 2019. Lui, c'est vraiment une grande vedette, je vais le retrouver ici, une grande vedette turque, qui est, en fait, non, pas, justement pas turque, arménienne, qui parle entre autres du génocide arménien, qui vit à Los Angeles depuis peut-être quelque chose comme 1976-77, puis qui est une vedette partout dans le monde pour la diaspora arménienne. Et maintenant en Arménie, chez lui aussi, qui est né à Yerevan. Derya Yildirim et le groupe Şimşek nous faisait 32-23, mais 32-23 en turc. Voilà, alors la pièce s'appelle, l'album s'appelle Nem Kaldi, ça date de 2017, puis c'est vraiment très très chouette, ça aussi. Excusez-moi, je vais c'est moi qui ai mêlé dans mes trucs, voilà. Alors Derya Yildirim, c'est associé à la batteuse londonienne, donc elle est germano-turque. C'est à Kokini avec Greta Ikok et trois musiciens français, membres de l'orchestre du Mont-Plaisant, Anthony Voyant, Graham Mouchnik et Andrea Pirot. Puis c'est très chouette aussi. Alors ils font de la jolie musique turque. Voilà. On est passé ensuite à Beyaz Kelebekler, qui nous faisait Esmerim sur Turkish Freakout. Psych Folk Singles de 69 à 80. Beaucoup de musique en Turquie qui ont été faites dans ces années-là. Puis eux, ben, c'est un groupe qui a perdu trois membres dans un accident. Puis ils ont décidé de continuer et ils ont continué depuis ce temps-là. Ça date d'assez longtemps quand même. Ça s'appelle, donc le groupe s'appelle Papillon Blanc. En fait, c'est la traduction. J'ai fait la traduction sur Google et c'est un petit peu drôle ce que ça peut donner parfois, mais ils s'appellent vraiment Papillon Blanc. Ils ont été actifs de 63 à 80, donc ils ont continué une dizaine d'années en changeant les membres parce qu'évidemment ils avaient subi le décès de trois membres dans un accident. Goksen Kainatan nous faisait Penserinin Perdesini sur Goksen Kainatan de 2017. Tout cela se prononce très très bien. Lui, ben, c'est vraiment un précurseur de musique électronique. On en avait mis déjà, puis c'est allez voir la pochette sur notre blog échangeur.blogspot.com et vous allez comprendre. que nous reste-t-il ? Le courrier est rare, cela sent l'ennui. Allô ? Garde tour, mon amour. À travers le lourd, tout ton corps qui bouge. S'engage. Elle attend son heure. C'est atroce, Rosa. Que nous reste-t-il ? Débarquons, veux-tu ? La mer est mauvaise. Garde ton sang-froid. Rosa. Rosa crispée. Retour, mon amour. Sous le ciel maussade, que nous reste-t-il ? Le courrier est rare, cela sent l'ennui. Garde tour, mon amour. Garde tour. Mon cher, les hirondelles arrivent à l'instant. Elles s'engueulent sous les couloirs de navigation des longs courriers. Elles s'engueulent, volent, filent, piquent, planent. Regarde. l'heure des casquettes à visière transparente est revenue. Il fait très, très, très, très, très chaud. Cette année, nous allons faire du tennis au ralenti. Adieu les pierres luisantes dans le brouillard des rues mal famées. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse très fort. Très fort. aller perdu dans sa fuite irisée aux sursauts inutiles, pitoyable victime aux ruses sans lendemain, son refuge trop précaire d'algues ou de rochers ne la protège guère du filet implacable qui d'un éclair vainqueur l'enlève à sa famille. Précédé d'antennes, tâtonnant support de sens particulier, surmonté d'un rostre, arme dérisoire malgré ses courbes fières et les soies qui lui poussent entre ses dents de scie. Certaines ombres. De la tête à la queue, la couleur de pigment aux contours imprévus joue un rôle d'apparat pour cette architecture. Thank you. histoire, aucun dieu n'y croit. C'est comme ça que ça continuait, les échangeurs d'air, oui, avec vous, toujours jusqu'à 22h. Et on a cette fois-ci fait un petit tour du côté d'un peu partout, voilà. Ça commençait par Piscine et Charles, Quart de Tour, mon amour, sur Quart de Tour, mon amour. Pas énormément d'informations qu'on peut trouver sur Luc Ramdonk et Dominique Hauteurs. À part qu'ils sont possiblement belges, ça serait possible. Ça serait possible. C'est vraiment très très chouette comme petit truc. Mais il arrive parfois comme ça que des disques sortent de d'on ne sait où et qu'on ne trouve plus. Pourtant, mais on connaît ça depuis longtemps. C'est ça, mais on ne sait pas trop d'où ça sort. Qu'on connaît mieux, c'est Ferdinand, qui nous faisait Message to Fred sur En Forme de 1981. Disque que nous avons écouté beaucoup, beaucoup, pour toutes sortes de raisons. Et la première, c'est parce que c'est vraiment excellent. Ferdinand Richard, qui s'appelle en fait Hervé Richard, il a préféré Ferdinand parce que ça faisait plus moderne. Puis il a été évidemment avec Étron Fou le Loup Blanc, qui est devenu Étron Fou. Puis il a joué avec plein de monde, dont Fred Frith, évidemment. Puis il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est Ferdinand les philosophes. Entre autres, une pièce où il raconte qu'il est à la porte de l'entrepôt. Les employés municipaux ont retiré la chemisette et dégustent une anisette. C'est une de mes chansons préférées. Beaucoup de trucs intéressants chez Ferdinand. Est-ce qu'il continue pas mal ou je pose la question à Jean-Philippe Peu? Il voit son nom des fois. Voilà. Ah, voilà, de la musique d'événements et d'exposition, semble-t-il. 5 sur 8, RP, c'est une pièce de Seigen Ono sur Seigen de 1984. Seigen Ono, c'est un type qui a été, bon, on dit qu'il a été influencé par par Brian Eno, ce qui est fort possible. Il aime utiliser le studio pratiquement comme un instrument. Faire des montages, toutes sortes de trucs comme ça. Il a travaillé avec des gens de Yellow Magic Orchestra, comment s'appelait-il? Donc déjà, je cherche son nom. Voilà, oui, voilà, Ryuichi Sakamoto. Puis, c'est très chouette. C'est très chouette. Je me souvenais pas de lui. Je sais pas si on en avait mis déjà, il y a longtemps, peut-être, il y a longtemps, mais c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Puis, il faudra en remettre. On n'aura pas le choix, de toute façon. Puis, il a travaillé avec plein de monde, Seigen Ono. Qui vit à Fukushima. Alors, je ne sais pas s'il vit encore à Fukushima, mais c'est ce qu'on dit. Cristal est perdu. C'était Papillon, cercueil flottant, et le nom de l'album. En fait, c'est comme 7 pièces qui ont été envoyées comme ça, parce que c'est tout récent, par Gonzalo F. Cardozo. On parle de musique expérimentale, oui, on peut le dire. Basé un peu sur Papillon, donc Henri Charrière, qui était le livre Papillon quand j'étais petit, c'était un best-seller, c'était quelque chose que tout le monde avait pratiquement chez soi. Puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un peu de fausseté ou de trucs légèrement exagérés. Mais ça a donné un bon résultat avec notre ami Gonzalo F. Cardozo. Qu'est-ce qu'on a eu? Odyssey and Oracle, les nouveaux dieux sur Spéculation de 2017. Odyssey et Oracle, c'est un groupe qui fait... Bon, il y a des gens qui parlent de baroque pop, ou de... Mais on a quelque chose du certain psychédélisme anglais. Une certaine époque où on remettait de la musique baroque avec de l'électronique et des choses ou parfois avec simplement des instruments, bon, broadcast, stéréo lab, des trucs comme ça. Il y a Fanny Léritier qui joue du violoncelle baroque, puis piano électromécanique, Alice Beaudoin et Guillaume Medioni. Puis c'est très très plaisant, alors à conseiller à tous vos amis. Orvin Torvun et Yetil Moster et Jorgen Trine nous faisaient Rainforest Morning sur The Exotica album qui vient de paraître en 2019. Si vous allez voir la biographie de monsieur Torvun, il est né en 76, il a eu le temps de faire beaucoup de trucs. Alors il participe à plein de choses et il fait des installations musicales. Il se promène un peu partout, il s'occupe de différentes choses, et il fait ses installations, il compose pour des orchestres symphoniques, pour des orchestres de chambre, pour des orchestres jazz, pour plein de choses. Alors allez voir sa biographie, ça s'écrit Oyvind Torvund, comme ça se prononce, Oyvind Torvund. Mais si vous allez sur notre blog échangeur.blogspot.com, vous allez avoir tous des trucs avec même la pochette. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on s'en va? Ah oh, oui, des Monty Python. C'est ce qu'on aura. Each little snake that poisons, each little wasp that stings.

donneurs de conseils, les sonneurs de réveil, les tricoteurs d'intrigues, ça nous fatigue. Les moi je pense que, les moi je pense deux, les moi je suis en forme, ça nous informe. Les voici mon devoir, les voilà mon tiroir, les porte-clés de voûte, ça nous dégoûte. Les châteaux à Madrid, les ramines à Grobide, les aigres fins de race, blablabla, ça nous les casse. Les trousseurs de canons, les sonneurs de clairons, les jarnes d'arquebuse, ça nous amuse. Les pierres à fusil, les jarques à képi, les gens à baïonnette, ça nous inquiète. Les gémiums et neutrons, les gémiums et protons, les hydrogénocides, ça nous suicide. Les vierges de remords, les atomes matadors, et vous paierez la casse, ça nous les casse. Les voleurs de bon temps, les tueurs de printemps, les aphroditophages, ça nous enrage. Les vives mes valeurs, les mortes ma valeur, les branle-bas de laine, ça nous fait peine. Les durs à dents de loup, les purs à sang de mou, les bouts feu de paille, ça nous chamaille. Les forces de la nuit, les portes de l'ennui, les têtes à grimace, blablabla, bla, ça nous les casse. Mais on peut discuter de cette vérité, on en connaît qui disent, ça nous les brise. We'll be right back. Je n'aime pas beaucoup la cervelle en été, salissant les pare-brises. Je n'aime pas les nouveau-nés trop entêtés, regardez les yeux clos. Il faut les leur ouvrir de force à coups de rasoir. Je ne supporte pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les bouses qui s'envoient en l'air alors qu'il y a des millions de voitures sans carburant. Je suis inadaptée. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chats crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés, susceptibilité. Je déteste les gens qu'on recouvre de miel et qu'on attache sous le soleil à midi. Pourtant c'est bien normal, il faut que les fourmis bougent. C'est plus fort que moi, il faut que je voie le mal partout. Je suis inadaptée. Je n'aime pas les gens dont la gorge est tranchée et les yeux arrachés, ni les femmes qu'on jette à la mer dans un sac avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot, y'a pas de quoi rire. Je suis inadapté. Inadapté. Je suis in. La violence est partout. Oui, mais pourtant je suis mou. Ma mère accoucher d'un plat de tripot vin blanc. Je suis flasque gluant, visque dégoulinant. Je suis mou, j'en suis fier, faible, dégonflé mais sincère. RR. S'en va, vent comme un escargot. Je suis mou, j'en suis fier, faible, dégonflé mais sincère. La chanson dit mon appel. permis d'un vivre riche et ramolli. Acheter mon disque mou en résine liquéfiée et jeter la pochette, elle n'est pas consignée. Je suis mou, j'en suis fier, faible, dégonflé, mais sincère. Allez, poussez, poussez. Allez, plus fort la guitare. Allez, plus fort le piano. Allez, plus fort la basse. Allez, plus fort les batteries. C'est ce que merde! Allez! Allez, c'est pas tout seul! Laissez pas tout seul, les gars! Hey, laissez pas tout seul! Oh non, pas tout seul! Oh non, pas tout seul! Je suis seul! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh, j'ai marché dans la merde. Ce matin, en me réveillant, j'avais les pieds tout bizarres, ça sentait mauvais. Et je me suis réveillé avant le réveil tellement ça puait. En fait, hier, j'avais marché dans la crotte. Alors je mets les pieds dans mes petites mules, et puis je me dirige vers la salle de bain. Et puis juste à ce moment-là, je marche dans la pâtée du chien. J'arrive dans la salle de bain, j'ouvre les robinets, plus d'eau. Alors tout ce qui me reste à faire, c'est de mettre mes petites chaussettes en acrylique. Je mets mes chaussures, je lasse les lacets bien fort. Et en serrant les doigts de pied, il y a tout qui remonte. Je me dirige à ce moment-là vers la porte d'entrée. Je sors, je ferme ma clé, j'appelle l'ascenseur. Et qui est-ce que je vois apparaître par la vitre? La concierge. Je suis une erreur de la nature, je suis une erreur de la nature. Vous inquiétez pas, j'ai la vie, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Nul à chier, je suis nul à chier. À chier, à chier, à chier. Nul à chier, je suis nul à chier. À chier. Elle ouvre la porte, et puis elle dit, ça sent pas bon. Je la regarde tristement. Elle me dit, de toute façon, y a pas de courrier pour vous, y en a jamais. Alors je descends par les escaliers pour pas la gêner. Et puis tout d'un coup, je sens une présence. Elle me poursuit, la conne, en riant, tu pues, tu pues. Et moi, je me retrouve dans la rue. Dehors, les gens me regardent bizarrement. Dans ma poche, ma mère m'a toujours mis un revolver. Elle m'a dit, un jour, t'en auras sûrement besoin. Je crois que le jour est arrivé. Je sors le revolver, je me le pose sur la tempe. Et puis, il sent vraiment mauvais. Qu'est-ce que je fais? Je tire. Je suis une erreur de la nature, je suis une erreur de la nature. Vous inquiétez pas, j'ai la vie, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Nul à chier, je suis nul à chier. À chier, à chier, à chier, à chier. Nul à chier, je suis nul à chier. À chier. Et puis finalement je pars heureux. Je marche, et tout autour de moi devient mou et marron. Et plus ça va, et plus je marche dans la merde. Et plus je me sens content, parce que j'en ai plus rien à foutre, ça pue, ça pue. Et je suis content comme ça. Me demandez pas ce que je fais au milieu de ces gros trucs marrons. Je suis content, enfin je crois. Je suis une erreur de la nature, je suis une erreur de la nature. Vous inquiétez pas, j'ai la vie, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Nul à chier, je suis nul à chier. À chier, à chier, à chier. Nul à chier, je suis nul à chier. À chier. Je suis nul à chier. À chier. À chier. À chier. À chier. À chier. À chier. À chier. À chier. Ouais, voilà, Jean-Philippe me gâte pour le dernier fond sonore. Popcorn, c'était vraiment populaire. The Fresh Cream, quand j'étais enfant, ça jouait régulièrement. Qu'est-ce qu'on a eu? All Things Dull and Ugly, c'est les Monty Python qui nous faisaient sur Monty Python Sings de 1989. Les Monty Python, ben, essayez de résumer leur carrière. D'abord, il y a la carrière au sein des Monty Python et même avant. Et ensuite, la carrière d'un peu tout le monde après les Monty Python. Vraiment, quand j'étais... Ça aussi, j'étais assez jeune quand ça passait à la télé et qu'on voyait les montages et tous les trucs faits par les Monty Python Flying Circus. Beaucoup, beaucoup de choses assez drôles. Oui, et par la suite aussi. Et pour moi, le Saint Graal, c'est quelque chose de vraiment très chouette. Avec le lapin qui attaque les gens, c'est de toute beauté. Didier Super nous faisait Rêve d'un monde. C'est un extrait. Vaut mieux rire que de s'en foutre d'eux. Difficile de savoir si on l'aime ou pas, Didier Super. Il a l'air tannant. Oui, c'est ça. On pense que pour avoir eu un de nos amis qui l'a conduit à Québec pendant un festival, c'est un personnage, Didier Super, mais il n'en sort pas nécessairement si souvent que ça. Olivier Audegon, il est né à Douai en 73, puis il peut pas être qualifié de gentil tout le temps. Non, je dirais pas ça. Ça serait pas ce que je dirais de lui. Jean-Yann et Michel Magne nous faisaient « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil » sur la bande originale du film du même nom. Jean-Yann, ben, on en oublie régulièrement parce qu'il y a vraiment des trucs très drôles. Beaucoup de trucs qui étaient à l'époque relativement iconoclastes aussi. Même dans les années 70, il se permettait beaucoup de choses. Les quatre barbus, ensuite, nous faisaient des casse-pets sur les quatre barbus de 67. Les quatre barbus, Jacques Tritch, Marcel Quinton, Pierre Jamais et Georges Thibault ont fait beaucoup, beaucoup de très bonnes chansons. Beaucoup, beaucoup. Chanté Boris Vian, du Brassens, du Jean Villard... toutes sortes de choses comme ça. Puis il y avait un répertoire. Moi, j'aime beaucoup, entre autres, la pince à linge, l'alcool, et toutes sortes de choses comme ça. Les quatre barbus qu'on écoutait beaucoup à une certaine époque, quand même. Avec les amis, on avait découvert ça, peut-être plus au milieu des années 80, quelque chose de genre, puis on en écoutait régulièrement. Étrons fous, le loup blanc nous faisait, et moi, les sillons de la terre. Tantôt, je disais que c'était appelé Étrons fous après, mais en fait, c'était avant. Étrons fous, le loup blanc. Voilà, revenez ici. Qui y avait là-dedans? Chris Chanet qui a fondé le groupe. Guigou Chenevier, Ferdinand Richard, Francis Grand, Gérard Boll de Chaumont, etc. Et beaucoup de bonnes choses aussi chez Étrons fous, le loup blanc. Groupe qu'on a aussi beaucoup écouté. On a eu Brigitte Fontaine qui chantait Je suis inadapté sur Brigitte Fontaine est folle de 1968. Je suis mou, c'était le groupe Odeur, Ramones puis Pens Odeur de 1979. Ça aussi, on a écouté lorsque on a eu les premiers vinyles, que ça, je pense qu'on l'a écouté tellement souvent qu'on pouvait écouter la face B en mettant la face A, parce que l'aiguille passait au travers. Puis on a terminé avec Nul à chier, c'était les VRT, les VRP, se retire les nains de tes poches, de 1990. Les VRP, qu'on n'a pas mis souvent à l'émission, groupe plutôt humoristique, alternatif français, qui aimait beaucoup se déguiser, faire toutes sortes de choses. Et ça se termine ainsi, Benoît Arcand est là pour vous faire Terrain vague. À la semaine prochaine.